Section 1 de Mémoire d'Outre-Tombe, tome 1, par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehan. Introduction par Edmond Biret. Suite. 5. Les Français seuls savent dîner avec méthode, comme eux seuls savent composer un livre. Lorsque Chateaubriand disait cela, il est permis de penser qu'il songeait à lui et à ses ouvrages, car nul n'attacha plus de prix à la composition, à cet art qui établit entre les diverses parties d'un livre une distribution savante, une harmonieuse symétrie. Du commencement à la fin de sa carrière, il resta fidèle à la méthode de nos anciens auteurs, qui adoptaient presque toujours dans leurs ouvrages la division en livres. Ainsi fit-il dès ses débuts, lorsqu'il publia, en 1797 à Londres, chez le libraire de Boff, son essai sur les révolutions. L'ouvrage entier, disait-il dans son introduction, sera composé de 6 livres, les uns de 2, les autres de 3 parties, formant en totalité 15 parties, divisées en chapitres. Dans Atala, le récit, encadré entre un prologue et un épilogue, comprend 4 divisions qui sont comme les 4 chants d'un poème. Les chasseurs, les laboureurs, le drame, les funérailles. Le génie du christianisme est composé de 4 parties et de 22 livres. Simple journal de voyage, l'itinéraire de Paris à Jérusalem ne comporte pas la division en livres qui aurait altéré le caractère et la physionomie de l'ouvrage. L'auteur, cependant, l'a fait précéder d'une introduction et l'a divisée en 7 parties, dont chacune forme un tout distinct et comme un voyage séparé. Pour les martyrs, au contraire, la division en livres était de rigueur, et l'on sait combien est savante et variée l'ordonnance de ce poème. Les Mémoires sur la vie et la mort du duc de Berry, une des œuvres les plus parfaites du grand écrivain, sont formées de 2 parties, renfermant la première 3 et la seconde 2 livres. En abordant l'histoire, Chateaubriand ne crut pas devoir abandonner les règles de composition qu'il avait suivies jusqu'à ce moment. Les études historiques sur la chute de l'Empire romain, la naissance et les progrès du christianisme et l'invasion des barbares se composent de 6 discours. Chacun de ces discours est lui-même divisé en plusieurs parties. En 1844, un demi-siècle après l'essai sur les révolutions, Chateaubriand donnait au public son dernier ouvrage, La vie de Rancé. Là encore, nous le retrouvons fidèle à ses habitudes. La vie de Rancé est divisée en 4 livres. Des détails qui précèdent ressortent déjà, si je ne me trompe, un préjugé puissant contre l'absence, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, de ces divisions que l'auteur avait jusque-là et dans tous ses autres ouvrages tenues pour nécessaires. Dans la vie de Duc de Berry, dans la vie de Rancé, qui n'ont chacune qu'un volume, il n'a pas cru devoir s'en passer, et dans ses mémoires, qui ne forment pas moins de 11 volumes, il les aurait jugés inutiles. Dans la moindre des œuvres sorties de sa plume, il se préoccupait de la forme non moins que du fond. Mieux que personne, il savait que le décousu, le défaut de plan et de coordination, sont des vices qui ne peuvent couvrir les plus éminentes et les plus rares qualités de style. Il professait que l'écrivain, l'artiste digne de ce nom, doit soigner, plus encore que les détails, les grandes lignes de son monument. Et ces vérités dont nul n'était plus pénétré que lui, il les aurait mises en oubli précisément dans celui de ses ouvrages où il était le plus indispensable de s'en souvenir, dans celui de ses livres qui, par sa nature, comme par son étendue, en réclamait le plus impérieusement l'application. Ses mémoires, en effet, ne sont pas, comme tant d'autres, un simple recueil de faits, de renseignements et d'anecdotes, un supplément de l'histoire générale de son temps et à la biographie de ses contemporains. C'est en réalité un poème, une épopée, dont il est le héros. Sainte-Beuve ne s'y était pas trompé. Il écrivait en 1834, après les lectures de l'abbaye au bois, « De ses mémoires, monsieur de Chateaubriand a fait et a dû faire un poème. Quiconque est poète à ce degré reste poète jusqu'à la fin. » Un autre critique d'une pénétration singulière et qui, moins artiste que Sainte-Beuve, lui est, à d'autres égards supérieur, Alexandre Vinet, dans ses belles études sur la littérature française au XIXe siècle, a dit de son côté ce qui a persisté à travers ces vicissitudes de la pensée et de la forme, ce qui ne vieillit pas chez M. de Chateaubriand, c'est le poète. En d'autres grands écrivains, on peut discerner l'homme et le poète comme deux êtres indépendants. Ailleurs, ils font ensemble un tout indivisible. Chez M. de Chateaubriand, on dirait que le poète a dérobé tout l'homme, que la vie même intérieure est un pur poème, que cette existence entière est un chant, et chacun de ces moments, chacune de ces manifestations, une note dans ce chant merveilleux. Tout ce que M. de Chateaubriand a été dans sa carrière, il l'a été en poète. La plus parfaite de ses compositions, c'est sa vie. Il n'est pas poète seulement. Il est un poème entier. La biographie de son âme formerait une épopée. Chateaubriand pensait sans doute sur ce point comme son critique, puisqu'aussi bien il ne péchait point par excès de modestie, ainsi qu'on le lui a si souvent et si durement reproché. Du moment qu'à ses yeux sa biographie, ses mémoires, devaient former une épopée, un poème entier, il a dû d'abord, en raison de leur étendue, les diviser en plusieurs parties, et diviser ensuite chacune de ces parties elles-mêmes en plusieurs livres. Il a dû le faire, et il l'a fait. Nul doute possible à cet égard. Dans la préface testamentaire, écrite le 1er décembre 1833 et publiée en 1834, il dit expressément « Les mémoires sont divisées en parties et en livres ». L'ouvrage comprenait alors trois parties. C'est encore ce que constate la préface de 1833. « Quand la mort baissera la toile entre moi et le monde, on trouvera que mon drame se divise en trois actes. Depuis ma première jeunesse jusqu'en 1800, j'ai été soldat et voyageur. Depuis 1800 jusqu'en 1814, sous le Consulat et l'Empire, ma vie a été littéraire. Depuis la Restauration jusqu'aujourd'hui, ma vie a été politique. La Révolution de juillet inaugurait une nouvelle phase dans la vie de Chateaubriand. Elle donnait forcément ouverture, dans ses mémoires, à une nouvelle partie qui serait la quatrième. Ici encore, son témoignage ne nous fait pas défaut. Au mois d'août 1830, sous la dictée même des événements, il a retracé la chute de la vieille monarchie, l'avènement de la royauté nouvelle. Lorsqu'il reprend la plume, au mois d'octobre, il écrit « Au sortir du fracas des trois journées, je suis étonné d'ouvrir dans un calme profond la quatrième partie de cet ouvrage ». La division des mémoires en livres n'est pas moins certaine que leur division en quatre parties. En 1826, Chateaubriand avait autorisé Madame Récamier à prendre copie du début de ses mémoires. Cette copie, à peu près tout entière de la main de Madame Récamier, qui se fit seulement aider, pour un quart environ, par Charles Lenormand, va de la naissance du poète jusqu'à sa 18e année, lorsqu'il se rend à Cambrai pour y rejoindre le régiment de Navarre Infanterie, avec un brevet de sous-lieutenant et 100 louis dans sa poche. Le texte de 1826 est divisé, non en chapitres, mais en livres. Il en comprend trois, les trois premiers de l'ouvrage. Veut-on que Chateaubriand, après avoir commencé ses mémoires sous cette forme, et l'avoir maintenue jusqu'en 1826, l'ait abandonné dans les années qui suivirent ? Cela ne se pourrait soutenir. En 1834, lors des lectures de l'abbaye au bois, la division en livres subsistait toujours, ainsi que le constatent non seulement tous ceux qui assistèrent aux lectures et en rendirent compte, mais encore Chateaubriand lui-même, dans le passage déjà cité de sa préface testamentaire du 1er décembre 1833. Les mémoires sont divisées en parties et en livres. J'en trouverais une autre preuve si besoin était, dans une lettre écrite par l'auteur le 24 avril 1834 à Édouard Ménechet, qui lui avait demandé un fragment de l'ouvrage pour le panorama littéraire de l'Europe. « Tel livre de mes mémoires, lui écrivait Chateaubriand, est un voyage. Tel autre s'élève à la poésie. Tel autre est une aventure privée. Tel autre, un récit général, une correspondance intime, le détail d'un congrès, le compte rendu d'une affaire d'État, une peinture de mœurs, une esquisse de salon, de club, de cour, etc. » Tout n'est donc pas adressé au même lecteur, et dans cette variété, un sujet fait passer l'autre. Donc, en 1834, toute la partie des mémoires alors rédigée c'est-à-dire 7 volumes sur 11, était divisé en livres. L'auteur avait encore à écrire le récit de sa carrière littéraire, de 1800 à 1814, et d'une partie de sa carrière politique, de 1814 à 1828. Ce fut l'objet des 4 volumes complémentaires composés de 1836 à 1839. En cette nouvelle et dernière partie de sa rédaction, Chateaubriand a-t-il brisé le moule dans lequel il avait jeté ses précédents volumes ? A-t-il rompu tout à coup avec ses procédés habituels de composition ? Il n'en est rien, ainsi que le montrent les textes ci-après, empruntés à la rédaction de 1836-1839. Tome 5, page 97, Paris, 1839, revue en juin 1847. Le premier livre de ses mémoires est daté de la Vallée aux Loups, le 4 octobre 1811. Là se trouve la description de la petite retraite que j'achetais pour me cacher à cette époque. Tome 5, page 178, Paris, 1839. Ces 2 années, de 1812 à 1814, je les employais à des recherches sur la France et à la rédaction de quelques livres de ses mémoires. Tome 5, page 189, Paris, 1839. Maintenant, le récit que j'achève rejoint les premiers livres de ma vie publique, précédemment écrits à des dates diverses. Tome 6, page 193. Au livre second de ses mémoires, on lit. Je revenais alors de mon premier exil de Dieppe. On m'a permis de revenir à ma vallée. La terre tremble sous les pas du soldat étranger. J'écris comme les derniers Romains au bruit de l'invasion des barbares. Le jour, je trace des pages aussi agitées que les événements de ce jour. La nuit, tandis que le roulement du canon lointain expire dans mes bois solitaires, je retourne au silence des années qui dorment dans la tombe et à la paix de mes plus jeunes souvenirs. Tome 6, page 336. Dans le livre 4 de ses mémoires, j'ai parlé des exhumations de 1815. Tome 6, page 389. 1838, Benjamin Constant imprime son énergique protestation contre le tyran et il change en 24 heures. On verra plus tard, dans un autre livre de ses mémoires, qui lui inspira ce noble mouvement auquel la mobilité de sa nature ne lui permit pas de rester fidèle. Tome 8, page 283, 1839, revue le 22 février 1845, le livre précédent que je viens d'écrire en 1839, rejoint ce livre de mon ambassade de Rome, écrit en 1828 et 1829, il y a 10 ans. Pour ce livre de mon ambassade de Rome, les matériaux ont abondé. Ainsi, en 1839, dernière date de la rédaction de ses mémoires, quelques pages seulement y furent ajoutées plus tard. Chateaubriand continue d'être fidèle au principe de composition qui avait présidé au commencement de son travail. Si nous poussons plus avant, si nous descendons jusqu'à l'année 1846, époque à laquelle l'ouvrage était depuis longtemps terminé, nous trouvons ce curieux et très significatif billet de Madame de Chateaubriand. Il est adressé à M. Mandarou Vertamy. 2 février 46. En priant M. Vertamy d'agréer tous mes compliments empressés, j'ai l'honneur de lui envoyer les premiers, deuxième et troisième livres de la première partie des mémoires que je sais qu'il lira avec toute l'attention de l'amitié. La vicomtesse de Chateaubriand. 6. Il faut bien croire, en présence de l'édition de 1849-1850 et des éditions suivantes qui en sont la reproduction pure et simple, que le manuscrit de Chateaubriand dans son dernier état ne renfermait plus cette division en livres et en parties dont l'auteur lui-même parle en tant d'endroits. Les premiers éditeurs se sont certainement appliqués à donner fidèlement et sans y rien changer le texte et la suite du manuscrit qu'ils avaient entre les mains. Faire autrement, faire plus, même pour faire mieux, c'eût été sortir de leur rôle. Ils ont eu raison de s'y tenir. Mais aujourd'hui, après bientôt un demi-siècle, la situation n'est plus la même. Chateaubriand est pour nous un ancien, c'est un des classiques de notre littérature, et le moment est venu de donner une édition des Mémoires d'Outre-Tombe qui replace le chef-d'œuvre du grand écrivain dans les conditions mêmes où il fut composé, qui nous le restitue dans son intégrité première. Nous avons donc, contrairement à ce qui avait été fait dans les éditions précédentes, rétabli dans la nôtre cette division en parties et en livres, dont il est parlé dans la préface testamentaire. Cette distribution nouvelle de l'ouvrage, nullement arbitraire, cela va sans dire, mais au contraire exactement et scrupuleusement conforme aux divisions établies par l'auteur, n'a pas seulement pour effet, comme on serait peut-être tenté de le croire, de ménager de distance en distance des suspensions, des repos pour le lecteur, elle donne au livre une physionomie toute nouvelle. Les mémoires, ainsi rendues à leur premier et véritable état, se divisent en quatre parties. La première, 1768-1800, va de la naissance de Chateaubriand à son retour de l'émigration et à sa rentrée en France. Elle renferme 9 livres. La seconde partie, qui forme 5 livres, et va de 1800 à 1814, est consacrée à sa carrière littéraire. À sa carrière politique, 1814-1830, est réservée la troisième partie. Elle ne comprend pas moins de 15 livres. Les années qui suivent la Révolution de 1830 et la conclusion des mémoires occupent 9 livres. C'est la quatrième partie. Et déjà, par ce seul énoncé, ne voit-on pas combien est peu justifiée la principale critique mise en avant par les adversaires des mémoires, et à laquelle les amis mêmes de Chateaubriand se croyaient obligés de souscrire. M. de Marcellus, par exemple, son ancien secrétaire à l'ambassade de Londres, qui, dans la préface de son intéressant volume sur Chateaubriand et son temps, signale le décousu du livre de son maître et ajoute, non sans tristesse, ce dernier de ses ouvrages n'a point subi les combinaisons d'une composition uniforme. Revu sans cesse, il n'a jamais été, pour ainsi dire, coordonné. C'est une série de fragments sans plan, presque sans symétrie, tracés de verbes, suivant le caprice du jour. C'est justement le contraire qui est vrai. Ce n'est pas tout. Lors des lectures de l'abbaye au bois, en 1834, les auditeurs avaient été frappés tout particulièrement de la beauté des prologues, qui ouvraient la plupart des livres des mémoires. Voici par exemple ce qu'en disait Edgar Quinet. Ces mémoires sont fréquemment interrompues par des espèces de prologues mis en tête de chaque livre. Le poète se réserve là tous ses droits, il se donne pleine carrière. Le trop-plein de son imagination, que la réalité ne peut pas garder, déborde en nappes enchantées dans des bassins de vermeil. Il y a de ces commencements pleins de larmes qui mènent à une histoire burlesque et de comiques débuts qui conduisent à une fin tragique. Ils représentent véritablement la fantaisie qui va et vient dans l'infini, les yeux fermés, et qui se réveille en sursaut là où la vie la blesse. Par là, vous sentez à chaque point de cet ouvrage la jeunesse et la vieillesse, la tristesse et la joie, la vie et la mort, la réalité et l'idéal, le présent et le passé, réunis et confondus dans l'harmonie et l'éternité d'une œuvre d'art. L'enthousiasme de Jules Janin à l'endroit de ces prologues n'était pas moins vif. Il faut vous dire que chaque livre nouveau de ses mémoires commence par un magnifique exorde. Ces introductions dont je vous parle sont de superbes morceaux oratoires qui ne sont pas des hors-d'œuvre, qui entrent au contraire profondément dans le récit principal, tant ils servent admirablement à désigner l'heure, le lieu, l'instant, la disposition d'âme et d'esprit dans lesquels l'auteur pense, écrit et raconte. Dans ces merveilleux préliminaires, la perfection de la langue française a été poussée à un degré inouï, même pour la langue de M. de Chateaubriand. Jules Janin avait raison. Ces prologues n'étaient pas des hors-d'œuvre à la place que Chateaubriand leur avait assignée. Pour les éditions actuelles, survenant au cours même du récit qu'ils interrompent, sans que l'on sache pourquoi, ils déroutent et déconcertent le lecteur. Ce qui était une beauté est devenu un défaut. De même qu'il avait mis le meilleur de son art dans ses prologues, dans ses commencements, de même aussi Chateaubriand s'applique à bien finir ses livres. Chacun d'eux se termine d'ordinaire par des réflexions générales, par des vues d'ensemble, par des traits d'un effet grandiose et poétique. Ce sont de beaux finales, à la condition de venir à la fin du morceau. S'ils viennent au milieu comme aujourd'hui, ils font l'effet d'une dissonance. Un exemple entre 20 autres va permettre d'en juger. Le livre premier de la seconde partie des mémoires est consacré au génie du christianisme. L'auteur, après avoir parlé des circonstances dans lesquelles parut son ouvrage, finit par cette belle page. Si l'influence de mon travail ne se bornait pas au changement que depuis 40 années il a produit parmi les générations vivantes, s'il servait encore à ranimer chez les tard venus une étincelle des vérités civilisatrices de la terre, si ce léger symptôme de vie que l'on croit apercevoir s'y soutenait dans les générations à venir, je m'en irais plein d'espérance dans la miséricorde divine. Chrétien réconcilié, ne m'oublie pas dans tes prières quand je serai parti. Mes fautes m'arrêteront peut-être à ces portes où ma charité avait crié pour toi « Ouvrez-vous, portes éternelles !» Eleuamini, portae, o eternales. Dans la pensée de Chateaubriand, le lecteur devait rester sur ses paroles, s'y arrêter au moins le temps nécessaire pour lui donner cette prière, si chrétiennement demandée. Les éditeurs de 1849 ne l'ont pas voulu, car aussitôt après, et sans que rien l'avertisse, qu'ici prend fin un des livres des mémoires, le lecteur tombe brusquement sur les lignes suivantes. Ma vie se trouva toute dérangée, aussitôt qu'elle cessa d'être à moi. J'avais une foule de connaissances, en dehors de ma société habituelle, j'étais appelé dans les châteaux que l'on rétablissait, on se rendait comme on pouvait dans ces manoirs demi-démeublés, demi-meublés, où un vieux fauteuil succédait à un fauteuil neuf. Cependant, quelques-uns de ces manoirs étaient restés intacts, tels que le Marais, échu à Madame de la Briche, excellente femme dont le bonheur n'a jamais pu se débarrasser. Je me souviens que mon immortalité allait, rue Saint-Dominique d'Enfer, prendre une place dans une méchante voiture de louage où je rencontrais Madame de Vintimille et Madame de Fézensac. À Champlâtreux, Monsieur Mollet faisait refaire de petites chambres au second étage. Quelle impression voulez-vous qu'éprouve le lecteur lorsqu'il passe sans transition des portes éternelles à ces petites chambres au second étage? Il n'est pas jusqu'à ce mot charmant sur Madame de la Briche, dont le bonheur n'a jamais pu se débarrasser, qui ne vienne ici à contre-temps, puisqu'il me fait sourire au moment où je devrais être tout entier à l'émotion que la page citée tout à l'heure était si bien faite pour produire. Voici ce qui est plus grave encore. Le lecteur, que Chateaubriand vient de conduire jusqu'à l'année 1812, et qui s'est amusé avec lui de la petite guerre que lui faisait à cette époque la police impériale, laquelle avait déterré un exemplaire de l'essai sur les révolutions, et triomphait de pouvoir l'opposer au génie du christianisme, le lecteur se trouve à ce moment en présence de la vie de Napoléon Bonaparte. Il se demande pourquoi la vie de Chateaubriand se trouve ainsi tout à coup suspendue. Il a peine à s'expliquer cette soudaine et longue interruption. Et si éloquentes que soient les pages consacrées à l'empereur, il lui est bien difficile de n'y pas voir une digression fâcheuse, un injustifiable hors-d'œuvre. Rétablissons les divisions créées par Chateaubriand. Et tout s'éclaire, tout s'explique. Il a terminé le récit des deux premières parties de sa vie, de sa carrière de voyageur et de soldat, et de sa carrière littéraire. Il lui reste à raconter sa carrière politique. En réalité, c'est un ouvrage nouveau qu'il va écrire. Et par où le pourrait-il mieux commencer que par un portrait de Bonaparte, une vue à vol d'aigle du consulat et de l'Empire, préface naturelle de ces prodigieux événements de 1814 qui, en changeant la face de l'Europe, donneront du même coup à la vie de Chateaubriand une orientation nouvelle. Seulement il lui arrive avec Napoléon ce qui est arrivé à Montesquieu avec Alexandre. Il en parle lui aussi tout à son aise. Il lui consacre les deux premiers livres de sa troisième partie. Déjà dans sa première partie, il avait esquissé à grands traits le tableau de la Révolution de 1789 à 1792. Voici maintenant une vivante peinture de Napoléon et du régime impérial. Nous aurons plus tard un éloquent récit de la Révolution de 1830. Trois admirables décors pour les trois actes de ce drame, qui fut la vie de Chateaubriand, et qu'il a lui-même encadré, suivant la mode romantique du temps, entre un prologue et un épilogue, entre la description du château de Combourg qui ouvre les mémoires et les considérations sur l'avenir du monde qui les termine. Pour ma part, je ne sais pas d'ouvrage dans la littérature contemporaine dont le plan soit plus parfait, dont l'ordonnance soit plus savante et plus belle. En tout cas, il me semble bien que je ne me suis pas trop avancé en disant que les mémoires d'outre-tombe, ainsi divisées en parties et en livres, prennent une physionomie nouvelle. Par suite de cette division en livres, plus de ces subdivisions incessantes, de ces chapitres, de 2 ou 3 pages chacun, qui venaient à tout instant interrompre et couper le récit. Les sommaires qui, intercalés dans le texte, en détruisaient la continuité et la suite, ont été reportés à leur vraie place, en tête de chaque livre. Nous nous sommes attachés en dernier lieu à restituer la véritable orthographe des noms cités dans les mémoires, et dont un trop grand nombre, dans les éditions actuelles, sont imprimés d'une manière fautive. Il est tel de ces noms, celui de Pelletier, par exemple, le célèbre rédacteur des Actes des Apôtres et de l'Ambigu, qui revient presque à chaque page sous la plume de Chateaubriand, dans le récit de ses années d'exil et de misère à Londres, et qui n'est pas donné une seule fois d'une façon exacte. 7. En présentant au public pour la première fois une édition des Mémoires d'outre-tombe conforme au plan et aux divisions de l'auteur, nous avons la confiance que les lecteurs, ayant enfin sous les yeux son livre tel qu'il l'a conçu et exécuté, partageront l'enthousiasme qu'il excita il y a un demi-siècle chez tous ceux qui furent admis aux lectures de l'abbaye au bois. Il réunit en effet à un degré rare ses qualités maîtresses. D'une part, l'unité, la proportion, la beauté de l'ordonnance. D'autre part, la souplesse, la vigueur, la grâce et l'éclat du style. Quelques mots sur ce dernier point. Parce que Chateaubriand a revu son ouvrage jusqu'à ses dernières années, et que sa main, affaiblie par l'âge, y a fait, en quelques endroits, des retouches malheureuses, on s'est plu à y voir une œuvre de vieillesse et de déclin, comparable à la dernière toile du Titien, à ce Christ au tombeau que l'on montre à Venise, à l'Académie des Beaux-Arts, et que le peintre âgé de 99 ans a signé d'une main tremblante, Senescente Manu. Rien de moins exact. Chateaubriand a commencé ses mémoires au mois d'octobre 1811, au lendemain de la publication de l'itinéraire, c'est-à-dire à l'heure où son talent, en pleine vigueur, conservait encore la fraîcheur et la grâce de la jeunesse. De 1811 à 1814, il écrit les premiers livres, l'histoire de son enfance, sa vie sur les Landes et les Grèves bretonnes, au fond du vieux manoir de Combourg, auprès de sa sœur Lucille, sous l'œil sévère de son père, ce grand vieillard dont il a tracé un portrait inoubliable. La Restauration, en le jetant dans la vie politique, en l'obligeant à se mesurer avec les faits et à en tenir compte, à prouver et à convaincre, au lieu de peindre seulement et de charmer, révèle chez lui des dons nouveaux et de nouvelles qualités de style. Il se trouve que ce poète est un historien et un polémiste. Il écrit les réflexions politiques, la monarchie selon la charte, les articles du conservateur, les mémoires sur la vie et la mort du duc de Berry. Certes, ce n'est pas à ce moment que son talent baisse et que son génie décline. C'est à ce moment pourtant que prend place la rédaction d'une partie considérable des mémoires. Le tableau des premiers mouvements de la Révolution, le voyage en Amérique, l'émigration, les combats à l'armée des princes et jusqu'à la rentrée en France en 1800, la vie de l'exilé à Londres, les années de misère et d'études, de deuil et d'espérance, qui préparaient et annonçaient déjà l'avenir du poète, pareils à cette aube obscure et pourtant pleine de promesses qui précède l'éclat du jour naissant et de la gloire prochaine. Ces belles pages ont été écrites en 1821 et 1822, à Berlin et à Londres, dans les moments de loisir que laissaient à l'auteur les travaux et les fêtes de ces 2 ambassades. Le récit de l'ambassade de Rome a été composé à Rome même, en 1828 et 1829. Il est contemporain, par conséquent, de ces admirables dépêches diplomatiques qui sont restées des modèles du genre. Donc, ici encore, il ne saurait être question de déclin et d'affaiblissement littéraire. Ce qui vient ensuite, la Révolution de juillet, le voyage à Prague et le voyage à Venise, les rêveries au Lido et sur les grands chemins de Bohême, les considérations sur l'avenir du monde, tout cela est de la même date que les études historiques et les célèbres brochures sur la restauration et la monarchie élective, sur le bannissement de Charles X et de sa famille, et sur la captivité de Madame la Duchesse de Berry. Le génie de l'écrivain avait encore toute sa coloration et toute sa trempe. L'éclair jaillissait encore de l'épée de Roland. Reste, il est vrai, la partie des mémoires qui va de 1800 à 1828 et qui a été écrite de 1836 à 1839. Cette partie est-elle inférieure aux autres ? En 1836, Chateaubriand avait 68 ans, l'âge précisément auquel M. Guizot commença d'écrire ses mémoires, le plus parfait de ses ouvrages. En 1839, l'auteur du Génie du christianisme avait 71 ans, l'âge auquel Malherbe, dans l'une de ses plus belles odes, s'écriait avec une confiance que justifiait sa pièce même « Je suis vaincu du temps, je cède à ses outrages, mon esprit seulement, exempt de sa rigueur, a de quoi témoigner, en ses derniers ouvrages, sa première vigueur. » Chateaubriand se pouvait rendre le même témoignage. Il écrivait alors et faisait paraître le Congrès de Vérone. Ce livre n'est pas autre chose qu'un fragment des mémoires. L'auteur s'était résolu à le détacher de son œuvre et à le publier séparément, parce que cet épisode, en raison des développements qu'il avait reçus sous sa plume, aurait dérangé l'économie de ses mémoires et leur eût enlevé ce caractère d'harmonieuse proportion qu'il voulait avant tout leur conserver. Tant vaut le Congrès de Vérone, au point de vue du style, le seul qui nous occupe en ce moment, tant vaut nécessairement toute la partie des mémoires d'outre-tombe composée à la même date, écrite avec la même encre. Or, voici comme un excellent juge, Alexandre Vinet, appréciait le style du Congrès de Vérone. Ce livre est une belle œuvre d'historien et de politique. Mais quand elle ferait, sous ces deux rapports, moins d'honneur à M. de Chateaubriand, quel honneur ne fait-elle pas à son talent d'écrivain ? Nous ne croyons pas que dans aucun de ses ouvrages il ait répandu plus de beauté, ni des beautés plus vraies et plus diverses. La verve et la perfection de la forme ne sont point ici aux dépens l'une de l'autre. Toutes les deux sont à la fois portées au plus haut degré et semblent dériver l'une de l'autre. Le style propre à M. de Chateaubriand ne nous a jamais paru plus accompli que dans cette dernière production. Nous devrions dire les styles, car il y en a plusieurs, et dans chacun il est presque également parfait. L'homme d'État, dans ses éloquentes dépêches, l'historien poète, dans ses vivants tableaux, le peintre des mœurs, dans ses sarcasmes mordants et altiers, se disputent le prix et nous laissent indécis dans l'admiration. On a l'air de croire que l'auteur d'Atala et des Martyrs n'a fait que se continuer. C'est une erreur, son talent n'a cessé depuis lors d'être en voie de progrès. À l'âge de 70 ans, il avance, il acquiert encore autant pour le moins et aussi rapidement qu'à l'époque de sa plus verte nouveauté. Ce talent, à mesure que la pensée et la passion s'y sont fait leur part, a pris une constitution plus ferme. La vie et le travail l'ont affermi et complété. Sans rien perdre de sa suavité et de sa magnificence, le style s'est entrelacé, comme la soie d'une riche tenture, à un canevas plus serré. Et ses couleurs en ont paru tout ensemble plus vives et mieux fondues. Tout, jusqu'à la forme de la phrase, est devenu plus précis, moins flottant. Le mouvement du discours a gagné en souplesse et en variété. Une étude délicate de notre langue, qu'on désire réfléchir et jamais froisser, a fait trouver des tours heureux et nouveaux, qui sont savants et ne paraissent que libres. Le prisme a décomposé le rayon solaire sans l'obscurcir, et les couleurs qui en rejaillissent éclairent comme la lumière. À l'appui de ces éloges, Alexandre Vinet fait de nombreuses citations. Il se trouve que toutes sont empruntées à des passages des mémoires d'outre-tombe que Chateaubriand avait intercalé dans le texte du Congrès de Vérone. N'est-ce pas là la preuve, une preuve décisive, que la portion des mémoires écrites de 1836 à 1839, la seule qui aurait pu causer quelque inquiétude littéraire, ne le cède en rien aux autres parties de l'ouvrage. 8. Par le style comme par la composition, les mémoires d'outre-tombe sont donc dignes du génie de Chateaubriand. Leur place est marquée immédiatement au-dessous des mémoires de Saint-Simon. Et encore, tout en maintenant le premier rang à son incomparable prédécesseur, n'est-il que juste d'ajouter que Chateaubriand lui est supérieur par plus d'un endroit. Dans un éloquent article, publié en 1837, Montalembert a dit de Saint-Simon « Il est tout, excepté poète, car il lui manque l'idéal et la rêverie. » Chateaubriand, dans ses mémoires, est poète et grand poète. Qu'il promène ses rêves d'adolescent sur les grèves de Bretagne ou ses rêveries de vieillard sur les lagunes de Venise. Qu'il écoute, sentinelle perdue au bord de la Moselle, la confuse rumeur du camp qui s'éveille aux premières blancheurs de l'aube, ou que, ministre du roi de France, il entende sur la route de Gand à Bruxelles, à l'angle d'un champ, au pied d'un peuplier, le bruit lointain de cette grande bataille encore sans nom, qui s'appellera demain Waterloo. Il a partout, et c'est Sainte-Beuve lui-même qui est réduit à le confesser, il a, en toute rencontre, des passages d'une grâce, d'une suavité magique, où se reconnaissent la touche et l'accent de l'enchanteur. Il a de ses paroles qui semblent couler d'une lèvre d'or. À côté du poète, les mémoires d'outre-tombe nous montrent l'historien, cet historien que Saint-Simon n'a pas été. La vie de Napoléon Bonaparte par Chateaubriand n'est qu'une esquisse, mais une esquisse de maître, qui dans sa rapidité même reflète avec une incontestable fidélité cette existence prodigieuse toute pleine de coups de théâtre et de coups de foudre. Le bruit du canon, les chants de victoire, retentissent au milieu de ces pages, mais sans couvrir le cri de la justice, foulée aux pieds, et de la liberté mise au fer. Pour défendre ses deux nobles clientes, Chateaubriand trouve des accents vraiment magnifiques, également bien inspirés quand il prend en main la cause de Pie VII, du chef de la chrétienté, arraché du Quirinal et jeté dans une voiture dont les portières sont fermées à clé, ou lorsqu'il fait entendre à l'occasion d'un pauvre pêcheur d'Albano, fusillé par les autorités impériales, cette protestation indignée. Pour dégoûter des conquérants, il faudrait savoir tous les maux qu'ils causent. Il faudrait être témoin de l'indifférence avec laquelle on leur sacrifie les plus inoffensives créatures dans un coin du globe, où ils n'ont jamais mis le pied. Qu'importait au succès de Bonaparte les jours d'un pauvre faiseur de filets des États romains? Sans doute, il n'a jamais su que ce chétif avait existé. Il a ignoré, dans le fracas de sa lutte avec les rois, jusqu'au nom de sa victime plébéienne. Le monde n'aperçoit en Napoléon que des victoires. Les larmes, dont les colonnes triomphales sont cimentées, ne tombent point de ses yeux. Et moi, je pense que de ses souffrances méprisées, de ses calamités des humbles et des petits, se forment dans les conseils de la Providence les causes secrètes qui précipitent, du fait, le dominateur. Quand les injustices particulières se sont accumulées de manière à l'emporter sur le poids de la fortune, le bassin descend. Il y a du sang muet et du sang qui crie. Le sang des champs de bataille est bu en silence par la terre. Le sang pacifique répandu jaillit en gémissant vers le ciel. Dieu le reçoit et le venge. Bonaparte tua le pêcheur d'Albano. Quelques mois après, il était banni chez les pêcheurs de l'île d'Elbe. Il est mort parmi ceux de Sainte-Hélène. Sans doute il y a des défauts, et en grand nombre, au cours des mémoires, de bizarres puérilités, des veines de mauvais goût, et en plus d'un endroit, la remarque est de Sainte-Beuve, un cliquetis d'érudition, de rapprochements historiques, de souvenirs personnels et de plaisanteries affectées, dont l'effet est trop souvent étrange quand il n'est pas faux. Mais au demeurant, que sont ces tâches dans une œuvre d'une si considérable étendue, où étincelle tant et de si rare beauté? Il ne suffit pas qu'une œuvre soit belle, il faut encore, il faut surtout, qu'elle soit morale. À l'époque où les mémoires d'outre-tombe paraissaient dans la presse, George Sand, qui aurait peut-être sagement fait de se récuser sur ce point, écrivait à un ami « C'est un ouvrage sans moralité ». Je ne veux pas dire par là qu'il soit immoral, mais je n'y trouve pas cette bonne grosse moralité qu'on aime à lire, même au bout d'une fable ou d'un conte de fées. Précisément à l'heure où l'auteur de l'Elia prononçait cet arrêt, une autre femme, Madame Swetchine, avec l'autorité que donnait à sa parole toute une vie d'honneur et de vertu, écrivait de son côté, après une lecture des mémoires, « Ce qui reste de cette lecture, c'est que notre vie si brève n'est faite absolument que pour l'autre vie immortelle, et que tout fuit devant nous jusqu'au rivage immobile. » Il, Chateaubriand, peint d'après nature. Voilà pourquoi il choque tant. Il ne se lie pas par les idées émises, mais dit le bien après avoir dit le mal, et se montre successif comme la pauvre nature humaine. Du pour et du contre, oui, dans les choses de la politique humaine, jamais contre les vérités imprescriptibles, contre les hauts sentiments du cœur humain. Mon zèle, dit-il, sur l'émigration, surpassait ma foi. Et puis, sur cette même émigration, viennent deux pages admirables. Combien son mouvement religieux est vrai. Jamais il ne le blesse, ni par inadvertance, ni par désir de bien dire. Quelle est donc la beauté morale dont M. de Chateaubriand n'ait pas eu le sentiment, qu'il n'ait pas respecté, qu'il n'ait pas glorifié de tout l'éclat de son pinceau? Quel est donc le devoir dont il n'ait pas eu l'instinct et souvent le courage? On veut bien qu'il ait été quelquefois sublime d'égoïsme. Avec plus de justice, on pourrait le montrer dans bien des circonstances capable d'élan de sacrifice et de dévouement. Non pas à un homme peut-être, mais à une idée, un sentiment incessamment vénéré. Certes, M. de Chateaubriand n'est pas un homme en qui la vérité règle, pondère, perfectionne tout. Le sacrifice aurait plu à son imagination, mais l'abnégation, le détachement de lui-même, aurait trop coûté à sa volonté. De là des côtés faibles, une insuffisance de la raison, qui a nui à la dignité de son caractère, à son attitude dans le monde, mais n'a jamais rien coûté à l'honneur. C'est sur ce mot que je veux finir. Chateaubriand a été le plus grand écrivain du XIXe siècle. Mais il n'est pas seulement en poésie l'initiateur et le maître. Tu duca, tu signore et tu maestro. Il est aussi le maître de l'honneur. Et comme me l'écrivait un jour Victor de la Prade, qui avait cependant de bonnes raisons pour ne pas déprécier la poésie et pour la mettre en bon rang, l'honneur passe avant tout, même avant la poésie. Edmond Biret. Fin de la section 1.